vous avez une idée? Si, j'ai une idée. Un peu de glace canérustette. Ça y est. Comme vous voulez. Et tu sais, tu te rappelles des paroles? Oui, pas beaucoup, mais peut-être on avait chanté ça avec Alain Stivell, parce que... Ah, avec Alain Stivell. Peut-être, oui. Abeptu, amuserai d'être, ta glace canérustet, ta glace labour d'ahounit babara, à darguer pas istroen, et halon est en veine, obligadur à l'événès brassa. En orola, je sais ni à scovel caniri, à la casse va t'ouetol de virvi, au vas-y béniquet. Merci. Oh, flûte alors. Ça, il peut mal. Vous pouvez me dire votre nom, comme ça je l'aurai. Oui, madame le pape. Merci. Le pape, c'est pas difficile à retenir. Oui. Ah, t'as oublié. Ah, bah oui, parce que je chante pas tous les jours, ça, hein. Mm.